الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد Chers frères et sœurs, nous commençons ce soir la lecture et l'étude de 21 hadiths de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant deux sujets importants de notre religion qui sont al-aqidatu wa l'ittiba', la croyance et le suivi. Ces hadiths ont été réunis par l'éminent cheikh, l'imam, le grand savant, Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, dans une courte épître intitulée « Mudhakkiratul hadith nabawi fil aqidati wal ittiba'a ». Et c'est une épître qu'il a écrite afin qu'elle soit étudiée dans certains séminaires. Et il a fait un commentaire de ces hadiths qui se trouvent dans cet ouvrage. Et durant nos cours, nous n'allons pas lire le commentaire dans son intégralité, mais nous verrons seulement les hadiths et un résumé des bénéfices mentionnés par le cheikh, qu'Allah le préserve, dans son explication. Mais avant de commencer, il est nécessaire pour nous de comprendre le sens de ces deux termes, al-aqida, la croyance, et al-ittiba', le suivi. Al-aqida, dans la langue arabe, c'est un mot qui vient du mot al-aqd, qui désigne le fait de nouer, le fait d'attacher une chose. Et lorsqu'on dit « i'taqadtu kada », je crois en telle chose, cela signifie « j'ai noué mon cœur à cette chose, j'y ai attaché mon cœur ». Donc la croyance, c'est une œuvre du cœur qui est que le cœur a foi en une chose et y adhère. Et d'un point de vue religieux, les gens de science ont dit qu'elle désigne, de manière générale, les six piliers de la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. C'est cela qui est visé par l'aqida. Quant au mot al-ittiba', que l'on a traduit par le suivi, les savants ont dit qu'il désigne le fait de suivre les traditions du messager sallallahu alayhi wa sallam qui sont rapportées de lui de manière authentique, de s'y soumettre et d'accepter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont aussi dit que l'ittiba' désigne le suivi du droit chemin, al-sirat al-mustaqim, et le fait de s'attacher aux preuves légitimes, c'est-à-dire les preuves du Coran et de la sunna, et de se cramponner à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et tout ce qui est rapporté authentiquement de lui, en s'y soumettant et en l'acceptant sans s'y opposer ni sans aucune hésitation. C'est cela qui est visé par le suivi à l'ittiba'. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, dans cette courte épître, il a réuni 21 hadiths sur ces deux sujets. Parmi ces hadiths, on va trouver des hadiths qui appellent à vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, des hadiths qui appellent à l'ikhlas, à la sincérité, d'autres qui mettent en garde contre le shirk, contre le polythéisme, qui mettent en garde contre les innovations et les péchés majeurs et mineurs, d'autres hadiths qui appellent à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'amour des croyants, et d'autres qui appellent au fait de se cramponner au Coran et à la Sunna et à suivre la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, et plus particulièrement les califes bien guidés qui ont succédé à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'objectif de l'étude de ces hadiths est que la croyance authentique s'ancre dans ton cœur. Que cela fasse augmenter en toi l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi que tu veilles à t'appliquer au suivi du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, et au suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela. On va donc commencer aujourd'hui par la lecture et l'étude du premier hadith qui concerne la voix prophétique dans l'appel à Allah. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « An ibn Abbas, radiyallahu anhuma, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, لما بعث معاذا إلى اليمن قال له. D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit « Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab » « Tu te rends certes vers un peuple des gens du livre. » Les gens du livre qui sont Al-Yahoud wal-Nasara, les juifs et les chrétiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonce donc quelle est la situation de ces gens vers qui il se rend en tant que prédicateur. Et ce car il est d'une grande importance pour le prédicateur de connaître la situation de ceux qu'il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informe donc de cela, puis il lui dit « فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَتَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُ اللَّهِ » Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam « Et que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation que la ilaha illallah. » C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que nul n'est en droit d'être adoré, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il renie l'adoration de tout autre que lui, qu'il renie le shirk. C'est cela le sens de cette parole. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonne que ceci soit la première chose à laquelle il les appelle. Et dans une autre narration, il a an yuwahidullah, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils vouent un culte exclusif à Allah, qu'ils unifient Allah dans l'adoration. Et on voit dans ce hadith une preuve que le mot at-tawhid est un terme religieux qui est venu dans les textes. Et ce n'est pas un terme innové comme le prétendent certaines personnes parmi les gens de l'innovation et les gens déviants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici à Mu'adh que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils accomplissent le tawhid. An yuwahidullah, qu'ils unifient Allah dans l'adoration. Et ceci nous démontre que le sens de la ilaha illallah est que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Et ce n'est pas, comme le pensent nombre de gens, qu'il n'y a pas de créateur autre qu'Allah ou autre parole semblable. Mais la ilaha signifie il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu véritable, il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. Illallah, sauf Allah. Seul Allah est en droit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est la première chose à laquelle il a ordonné Mu'adh, radiyallahu anhu, d'appeler les gens. Ensuite il lui dit, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَٰلِكَ S'ils t'obéissent en cela, s'ils se soumettent à cela, qu'ils reconnaissent que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah, et qu'ils renient le shirk, qu'ils renient le polythéisme, et qu'il renie l'adoration de tout autre qu'Allah. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 prières فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ Informe-les alors qu'Allah a prescrit pour eux, a rendu obligatoire pour eux, 5 prières chaque jour et nuit, c'est-à-dire les 5 prières quotidiennes. Le dhuhr, l'asr, Al-Maghrib, Al-Isha et Al-Fajr. Donc la deuxième chose qu'il lui a ordonnée est de les informer de l'obligation de la prière. Et on tire de cela deux grands bénéfices. Le premier est que la prière n'est d'aucune utilité pour la personne si celle-ci n'a pas reconnu au préalable que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré et que l'adoration de tout autre que lui est vaine. Celui qui n'atteste pas que la ilaha illallah, qui n'a pas attesté de cette parole, qui n'a pas compris son sens et ne l'a pas mise en pratique, même s'il prie jour et nuit, ses prières ne lui seront d'aucun profit. Et il est inutile d'appeler une personne à l'accomplissement de la prière si celle-ci n'a pas compris la base de la religion, qui est le tawhid et l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ C'est cela la première chose à laquelle les gens doivent être appelés, car c'est la base et le fondement de la religion. Sans cette base et sans ce fondement, le reste ne sera d'aucun profit pour la personne. Et si la prière n'est d'aucun profit pour la personne qui n'a pas reconnu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'a pas mis en pratique l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que dire de ce qui est moindre que la prière? À l'exemple, du fait de s'abstenir de manger de la chair de porc, ou de s'abstenir de certains péchés, ou de se circoncire ou autre chose semblable. Je dis cela car, pour beaucoup, ceux qui sont entrés en islam ont entendu des musulmans en premier temps et ils ont été appelés à délaisser la consommation du porc, à délaisser la consommation de l'alcool, certains parfois à se circoncire, ou autre chose semblable répandue parmi les musulmans et auxquels ils donnent de l'importance, qui font certes partie de la religion, mais qui ne sont d'aucun profit pour la personne si celui-ci n'est pas entré dans l'islam en attestant que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. S'il n'a pas attesté de cette parole en ayant compris son sens et en ayant accepté son sens et ce qu'elle implique, alors délaisser tous les péchés et accomplir toutes les bonnes actions ne lui sera d'aucun profit car il n'aura pas concrétisé la base et le fondement de cette religion. Donc ça, c'est un bénéfice immense que l'on tire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ S'ils t'obéissent en cela. C'est-à-dire que s'ils ne t'obéissent pas, alors il n'y a aucun intérêt de les informer de l'obligation de la prière. Tu ne les informeras de l'obligation de la prière qu'une fois qu'ils t'auront obéi concernant le tawhid et qu'ils auront reconnu l'unicité d'Allah et qu'ils auront renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième bénéfice, qui est aussi un bénéfice immense, c'est qu'une fois que la personne est entrée en islam, on se doit de lui ordonner le reste des législations de l'islam. Et la plus grande législation de l'islam et la plus importante, après le tawhid, après les deux attestations de foi, c'est l'accomplissement des cinq prières. Ces prières qui font la différence entre le musulman et le mécréant. Ces prières qui sont Amoud ad-Din, le pilier de la religion. C'est sur ces prières que la religion repose après le tawhid. Et de par leur importance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Mu'adh radiallahu anhu de les informer de cette obligation immédiatement après qu'ils aient accepté le tawhid. Ensuite il dit فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ S'ils t'obéissent en cela, c'est-à-dire qu'ils accomplissent leurs cinq prières, informe-les alors qu'Allah a prescrit pour eux, qu'Allah a rendu obligatoire pour eux, une sadaqa. Et ce qui est visé par la sadaqa ici, c'est la zakat obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Elle est prise de leurs riches pour être donnée à leurs pauvres. » Elle est prise de leurs riches pour être donnée à leurs pauvres. Et les gens de science ont dit que ceci est une preuve qu'il est permis de donner la zakat à une seule catégorie de ses ayants droit. Dans le verset de Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que la zakat soit versée à 8 catégories d'ayants droit. Et si la zakat est donnée à une seule de ces catégories, alors cela est suffisant, il n'est pas obligatoire de la partager entre ces 8 catégories. Et la preuve, c'est notamment ce hadith. Car il lui a dit de les informer de l'obligation de la zakat, et que celle-ci serait prise de leurs riches pour être donnée à leurs pauvres, les pauvres qui sont une des catégories des ayants droit à la zakat. Ensuite, il lui dit « فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ S'ils t'obéissent en cela, s'ils versent leur zakat obligatoire, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ Alors prends garde à ne pas prendre « كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ » Ce qui est visé par « كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ » Ce sont leurs biens les plus précieux et ceux qui ont le plus de valeur. C'est-à-dire qu'au moment de récupérer la zakat, il veillera à ne pas prendre les biens qui sont les plus chers et les plus précieux, afin de ne pas leur nuire. Ensuite, Il termine cette recommandation par une exhortation immense. Et il lui dit « Wattaqi da'wat al-mazloum » et « Prends garde à l'invocation de l'opprimé, celui qui subit une injustice. Prends garde à son invocation. Pourquoi ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Fa'innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab » car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. C'est-à-dire que l'invocation de l'opprimé est exaucée. Donc prends garde à l'injustice. Ne sois pas injuste envers les gens. Prends garde à ne pas leur causer de tort, que ce soit dans leur bien, dans leur personne ou dans leur honneur. Car si tu es injuste, en plus de supporter le péché de ton injustice, alors tu risques de te mettre dans une situation où cette personne opprimée invoquera contre toi. Et entre cette invocation et Allah, il n'y a aucun voile. Elle est acceptée. Donc prends garde à cela. Fais preuve de justice et d'équité. Et veille à ne léser personne parmi les gens, qu'ils soient musulmans ou mécréants. Ceci est donc la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, lorsqu'il l'a envoyé en tant que prédicateur et gouverneur vers les gens du Yémen. Et ce hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, ainsi que dans d'autres recueils de hadith. Donc comme vous l'avez entendu, ce hadith est rapporté par Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhumah, qui est donc le fils de Abbas, qui est l'oncle paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abbas ibn Abd al-Muttalib. Abdullah ibn Abbas était donc le cousin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été qualifié comme étant un océan de science, en raison de sa science abondante. Et il est l'un de ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les compagnons, radiyallahu anhum. Et il est également l'un des abadila, qui font partie des savants des compagnons, radiyallahu anhum. Al-Abadila, qui sont quatre, des jeunes compagnons qui ont réuni beaucoup de science et vers qui les gens revenaient pour apprendre la science, prendre des avis juridiques et également pour apprendre le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce en raison du fait qu'ils ont vécu longtemps après les autres compagnons radiyallahu anhum. Et Al-Abadila, ils ont été appelés ainsi car ils se prénomment tous Abdullah. Donc il y a parmi eux Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As et Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhum. Et Abdullah ibn Abbas est mort en l'an 68 de l'Hégire, radiyallahu ta'ala anhu. Donc on a dit que ce hadith nous expose la voie prophétique dans l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala. Car comme vous l'avez entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à Mu'adh les différentes étapes à suivre lorsque l'on appelle à cette religion. Et il est obligatoire pour le musulman qui souhaite emprunter ce chemin de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela, en commençant par appeler à la chose la plus importante de notre religion, qui est le tawhid, et le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. De même que de mettre en garde contre le shirk, contre le polythéisme, majeur ou mineur. Ceci est la base et le fondement de la religion, et c'est la chose la plus importante. Et ceci a lieu en appelant les gens aux deux attestations de foi. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. La première attestation, ashhadu an la ilaha illallah, on a dit qu'elle consistait à reconnaître que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Que l'adoration est un droit exclusif d'Allah. Que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux et doit être renié. Et qu'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala relève du polythéisme, du shirk, qui est le péché le plus grave en islam, qu'Allah ne pardonne pas à celui qui meurt sur celui-ci sans s'en être repenti. Donc l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala et nul n'est en droit d'être adoré en dehors de lui. Pas même un ange comme Jibril alayhi salam ni même un prophète comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni un homme vertueux, ni un saint, ni un wali, ni un sidi, ni une pierre, ni un arbre, ni autre que cela parmi les créatures. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être invoqué. C'est d'Allah seul que l'on implore l'aide et le secours. C'est en lui seul que l'on place notre confiance. C'est en lui seul que l'on a espoir. Et c'est lui seul que l'on craint. Subhanahu wa ta'ala. L'adoration tout entière est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque vous une adoration, quelle qu'elle soit, à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est certes tombé dans le polythéisme majeur qui le fait sortir de la religion de l'islam. Et s'il meurt dans cette situation, alors le paradis lui sera interdit et sa demeure et sa destination sera le feu de l'enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Certes, quiconque donne des associés à Allah, un quelconque associé, qui qu'il soit, en lui vouant une quelconque adoration, quelle qu'elle soit, alors Allah lui rend le paradis interdit. Le paradis est haram pour lui. Il n'aura pas le droit d'y entrer. Sa destination, son refuge sera l'enfer, et pour les injustes, il n'y aura point de secoureur. Pour les injustes, c'est-à-dire ceux qui ont commis la plus grave des injustices qui est le shirk, en vouant l'adoration à autre qu'Allah, comme l'a dit Luqman à son fils, « Inna shirka la zulmun azim ». Certes, le polythéisme, le shirk, le fait de donner des associés à Allah, est une injustice immense. C'est la plus grave des injustices. Car l'injustice, c'est quoi? C'est de mettre une chose à une place qui n'est pas la sienne. Et le mouchrik, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'adoration à une place qui n'est pas la sienne. Il l'avoue à autre qu'Allah. Il voue l'adoration à une créature qui n'est pas digne d'être adorée. Et il commet en cela la plus grave des injustices, wal'iyadu billah. Donc cela est ce qui est impliqué par l'attestation de foi, ashhadu an la ilaha illallah. Il est important de comprendre que cette parole, ce ne sont pas seulement des mots que tu prononces avec ta langue. Cette parole, elle a un sens que tu dois apprendre. Cette parole, elle exige de toi des actes que tu dois mettre en pratique. Et c'est pour cela que les gens de science ont mentionné qu'il est obligatoire pour la personne de remplir les conditions de cette parole. Et les gens de science ont mentionné que les conditions de la ilaha illallah sont au nombre de 7. La première est la science qui s'oppose à l'ignorance, c'est-à-dire que tu apprennes le sens de cette parole. Tu ne dis pas la ilaha illallah sans savoir qu'est-ce que signifie cette parole. Et combien sont ceux, malheureusement, aujourd'hui, si tu les interroges sur le sens de cette parole qui est la base et le premier pilier de notre religion, ils seront incapables de t'en expliquer le sens. Et d'autres disent ces mots sans savoir qu'est-ce que signifie Al-Ilah. La Ilah. Il n'y a pas de Ilah. Que signifie le mot Ilah? Le mot Ilah, on peut le traduire en français par le mot Dieu, c'est-à-dire un être adoré. Il n'y a pas d'être adoré, c'est-à-dire il n'y a pas d'être en droit d'être adoré. Illallah. Sauf Allah. Allah seul est en droit d'être adoré. Donc ceci est la première condition que tu connaisses, le sens de cette parole. La deuxième condition, c'est al-yaqin, la certitude qui s'oppose au doute. Tu ne dois pas avoir de doute à ce sujet. Tu dois avoir la certitude que seul Allah est en droit d'être adoré. Et tu dois renier avec certitude l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième condition est al-qaboul, l'acceptation. Qui s'oppose au rejet. C'est-à-dire que tu acceptes cette parole et tu acceptes tout ce qu'implique cette parole. La quatrième condition, c'est al-inqiyad, la soumission qui s'oppose au délaissement. C'est-à-dire que tu te soumets à ce qu'implique cette parole. Tu ne délaisses pas sa mise en pratique. Car il y a des gens qui savent le sens de cette parole, qui en ont la certitude, qui acceptent son sens, mais qui ne s'y soumettent pas. Ils ont donc manqué à cette condition. La cinquième condition est l'ikhlas, la sincérité, qui s'oppose au shirk. C'est-à-dire que celui qui prononce cette parole, cela exige de lui qu'il voue le culte exclusivement à Allah, et qu'il n'adore nul autre qu'Allah. Donc celui qui dit « La ilaha illallah », puis qui ensuite se rend auprès du mausolée de tel ou tel wali, ou de Sidi un tel, ou je ne sais qui, Puis qu'il l'invoque en dehors d'Allah, en disant « Ya Sidi Antal, accorde-moi des enfants. Ya Sidi Antal, guéris-moi de ma maladie ou je ne sais quoi. » Celui-ci n'a pas voué le culte exclusivement à Allah. Il n'a pas rempli cette condition, la condition de l'ikhlas. Par conséquent, le fait d'attester que « La ilaha illallah » ne lui est d'aucun profit. Pourquoi ? Car il s'oppose au sens même de « La ilaha illallah ». Il dit « Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah » puis il voue l'adoration à autre qu'Allah. La sixième condition, c'est le sidq, la véracité, qui s'oppose au mensonge. On comprend donc par cela que les hypocrites, ceux qui montrent l'islam en apparence et cachent au fond de leur cœur la mécréance, lorsqu'ils disent « La ilaha illallah », ils ne sont pas véridiques, car ils mécroient au fond d'eux-mêmes. Donc cette parole, elle ne leur est d'aucun profit, « Wallahu al-musta'an ». Enfin, la septième condition, c'est « Al-mahabba », qui s'oppose à « Al-burd », à la haine, à l'animosité. Et ce qui est visé par cela, c'est que tu aimes cette parole, que tu aimes ce qu'implique cette parole comme action et législation, et que tu aimes les adeptes de cette parole, c'est-à-dire les adeptes du tawhid, que tu aimes les gens de l'islam, que tu aimes les monothéistes. Ceci est exigé de toi lorsque tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah ». Tu dois t'allier et désavouer en fonction de cette parole. Ceci est ce qui est impliqué par ton attestation que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Et la deuxième partie de l'attestation est « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Et de la même manière, il est nécessaire de connaître le sens de cette parole. « J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah ». Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que je reconnais sa prophétie et que je vais œuvrer en fonction de cela. Ce n'est pas simplement des mots que tu prononces avec ta langue sans y croire ou sans œuvrer en conséquence. Et lorsque tu attestes que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cela exige de toi que tu crois en tout ce dont t'a informé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les événements passés ou futurs, ou parmi les choses d'El Ghaib, de l'imperceptible. Tout ce dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a informé, tu te dois d'y croire avec certitude, car il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est que la révélation de la part d'Allah qui lui est inspirée. Et ceci est la première chose qui est impliquée par ton attestation qu'il est le messager d'Allah. La deuxième chose est que tu lui obéisses dans ce qu'il a ordonné. Si tu attestes qu'il est le messager d'Allah, qu'il est venu transmettre le message de la part d'Allah, lorsqu'il ordonne une chose, tu te dois de lui obéir. Comment peux-tu dire qu'il est le messager d'Allah, qu'il est venu transmettre le message de la part d'Allah, puis ensuite il t'ordonne une chose et tu ne te soumets pas à cet ordre? Ceci relève d'un manquement dans ton attestation qu'il est le messager d'Allah. La troisième chose est que tu t'écartes de tout ce qu'il a interdit et réprimé. Comme pour le point précédent, il est le messager d'Allah. Il transmet le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu crois avec certitude en cela. Donc s'il t'interdit une chose, cette chose, il t'incombe de la délaisser. Et enfin, la quatrième chose qui est d'une grande importance, c'est que tu n'adores Allah que de la manière dont l'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu t'écartes de toutes les innovations et les choses nouvelles en religion. C'est lui le messager d'Allah, c'est lui qui est venu transmettre le message de la part d'Allah. C'est lui qui est venu enseigner aux gens comment adorer Allah. Donc si tu souhaites accomplir une adoration, tu dois l'accomplir comme lui l'a enseigné, et non pas en suivant tes passions, en suivant des choses innovées. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cette adoration, c'est ainsi que tu te dois de l'accomplir. Et si un acte n'a pas été ordonné par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne l'a pas légiféré, alors cet acte, dans le domaine de l'adoration, est à délaisser. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, qui ne fait pas partie de notre ordre, qui ne fait pas partie de notre religion, de la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors celui-ci est rejeté. Donc on comprend à travers cela que l'innovateur qui pense se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les innovations et les choses nouvelles en religion, lorsqu'il commet ces innovations, ceci relève d'un manquement dans sa concrétisation de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah. Car s'il avait concrétisé cette parole, alors il aurait délaissé les innovations et se serait contenté de suivre strictement la sunna et ce qu'a légiféré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est donc le premier pilier de notre religion. Tout musulman doit faire des grands efforts pour connaître le sens de ces deux attestations de foi, apprendre leur sens authentique et œuvrer selon ce que ces deux attestations de foi impliquent. Après cela, on se doit de donner de l'importance aux autres législations de notre religion, à commencer par la prière et la zakat comme l'a ordonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Donc en résumé, on tire comme bénéfice de ce premier hadith. Premièrement, que le tawhid est la base de l'islam et son fondement. Et que sans tawhid, il n'y a pas de religion. Le tawhid est la première de nos obligations. La première chose par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de commencer dans l'appel à Allah. Le tawhid, c'est le premier ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vient dans le Coran, dans l'ordre du mushaf. « Ya ayyuhannas, u'budu rabbakum »« Ô vous les gens, adorez votre Seigneur » c'est-à-dire vouez un culte exclusif à votre Seigneur et n'adorez nul autre que lui. Le tawhid, c'est la première chose à laquelle nous devons appeler et c'est l'appel de tous les messagers. « Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasoula » Nous avons envoyé un messager dans chaque communauté pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. » Le tawhid, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. « Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration, qu'ils adorent Allah et qu'ils n'adorent nul autre qu'Allah. Donc le tawhid est d'une grande importance. Et c'est la première chose également à laquelle on commence dans l'enseignement. Que ce soit en termes d'enseignement religieux, dans la prédication, ou même en termes d'enseignement religieux concernant les parents à leurs enfants. Et méditer sur la recommandation de Luqman à son fils. Par quoi a-t-il commencé ? Par lui interdire le shirk. Ya bunay, la tu shirk billah. Inna shirka la dhulmun azim. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car certes le shirk est une injustice immense. La première chose par laquelle il a commencé lorsqu'il a adressé ses recommandations précieuses à son fils est de l'appeler au tawhid et de lui interdire le shirk. Donc le tawhid, c'est la base de l'islam et la base de la religion. Et il n'y a pas d'islam pour celui qui ne concrétise pas le tawhid. Et nul intérêt d'ordonner à une personne la prière, la zakat, le jeûne ou autre parmi les législations de l'islam si celle-ci n'a pas accepté le tawhid et n'a pas attesté que la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est que le pilier le plus important de l'islam, après les deux attestations de foi, c'est l'accomplissement de la prière. Cette prière qui est, comme on a dit, Amoud ad-Din, le pilier de la religion. Cette prière au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui la délaisse a certes mécru ». Cette prière qui est la première chose au sujet de laquelle le serviteur sera interrogé au jour de la résurrection. Elle est donc d'une grande importance dans notre religion. Et elle fait partie des choses auxquelles le musulman doit donner le plus d'importance en ce qui concerne les adorations. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que le pilier le plus important et le plus obligatoire parmi les piliers de l'islam, après les deux attestations de foi et la prière, c'est la zakat. La zakat obligatoire, qui est le troisième pilier de notre religion, et qui a souvent été ordonné dans le Coran avec la prière. « Wa aqimu s-salah, wa atu s-zakah » On retrouve cet ordre dans de nombreux versets dans le Coran. « Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. » Cette zakat qui est pour beaucoup aujourd'hui ignoré et dont beaucoup de gens ne connaissent aucune règle, en ignorent son sens et ne cherchent pas à s'instruire à ce sujet. Il est musulman, il voue le culte exclusivement à Allah, il est assidu à ses prières mais il a de l'argent et ne se pose pas de questions sur la zakat. Il se peut que des années passent sans qu'il ne se soucie de cela et sans qu'il ne verse sa zakat obligatoire au Allah al-Musta'an. Donc ceci est le troisième pilier de notre religion, on se doit d'y donner de l'importance, d'apprendre ses règles afin de s'en acquitter comme il se doit. Le quatrième bénéfice parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith est la mise en garde contre l'injustice. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à Mu'adh radiyallahu anhu de craindre l'invocation de l'opprimé. Et ceci fait allusion à la mise en garde contre l'injustice. Ne sois pas injuste envers les gens. Et prends garde, si tu es injuste, alors ils risquent d'invoquer contre toi et leurs invocations seront exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il doit toujours veiller à être juste. Et la justice, elle est valable envers toute personne, pas seulement envers les musulmans, pas seulement envers les gens que tu aimes. Tu dois être juste envers les gens que tu aimes et envers les gens que tu détestes, dans tes paroles et dans tes actes. Tu dois être juste envers le musulman et le mécréant, dans tes paroles et dans tes actes. Car l'injustice sera source de ténèbres au jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela. Mais beaucoup de gens, malheureusement, ils comprennent et arrivent à être justes avec les gens qu'ils apprécient, dans les meilleurs des cas. Mais une fois qu'ils détestent une personne, ou qu'ils sont en conflit avec une personne, alors ils oublient toute justice. Ils portent atteinte à son honneur, ils portent atteinte à sa personne, ils portent atteinte à ses biens. Et tout cela relève de l'injustice. Et cela est d'autant plus grave si celui envers qui tu es injuste est un musulman. Car le musulman est sacré pour le musulman. Ses biens sont sacrés, son honneur est sacré et son sang est sacré. Donc prenez garde, barakallahu fikum, à ne pas être injuste les uns envers les autres et à faire preuve de justice et d'équité envers l'ensemble des gens. Également parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, qui est un hadith lié à la aqida, à la croyance, c'est l'acceptation de l'information d'une personne intègre et de vraie en fonction de cela. Il y a certaines personnes parmi les gens de l'innovation qui rejettent certains hadiths au sujet de la aqida, au sujet de la croyance et disent « Nous ne pouvons pas accepter cette information car elle n'est rapportée que par une seule personne » et refusent par conséquent de mettre en pratique ces hadiths, de les accepter et d'y croire. Et dans ce hadith que l'on vient de lire aujourd'hui, il y a la réfutation de cette règle déviante et erronée. Combien de personnes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé vers le Yémen? Il a envoyé Mu'adh radiyallahu anhu. Il a envoyé Mu'adh radiyallahu anhu en tant que prédicateur. Et c'est Mu'adh seul qui est venu enseigner aux gens l'islam, les informer qu'ils devaient vouer un culte exclusif à Allah, puis ensuite les informer de l'obligation de la prière, puis ensuite les informer de l'obligation de la zakat. Et les gens du Yémen sont entrés en islam. Ceci est donc une preuve que l'on accepte, que ce soit dans le domaine de la aqida, de la croyance, ou les autres domaines de la religion, l'information, même si elle ne nous vient que d'une seule personne, à partir du moment où cette personne est intègre, qu'elle est digne de confiance. Et il n'est pas nécessaire que l'information soit rapportée par un grand nombre de personnes. Enfin, le dernier bénéfice qui concerne l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il convient à celui qui appelle à cette religion de commencer par les choses les plus importantes. Que ce soit dans ce que tu ordonnes ou dans ce que tu interdis. N'ordonne pas à une personne certaines choses de cette religion si celle-ci n'a pas attesté que la ilaha illallah. Ne lui ordonne pas de jeûner le mois de Ramadan alors qu'elle n'a pas prononcé la double attestation de foi, qu'elle n'a pas compris cette attestation et qu'elle ne l'a pas acceptée. Ce jeûne ne lui sera d'aucune utilité. Également, n'interdis pas aux gens des choses qui, même si elles sont interdites dans notre religion, ne font pas partie de ses fondements, comme la consommation d'alcool, la consommation de chair de porc et ainsi de suite, si celles-ci ne sont pas entrées en islam. Délaisser ces choses-là ne leur sera d'aucun intérêt tant qu'ils ne sont pas musulmans, tant qu'ils ne sont pas muwahhidin, qu'ils ne vouent pas un culte exclusif à Allah et qu'ils n'ont pas renié l'adoration de tout autre qu'Allah et qu'ils n'ont pas reconnu la prophétie et le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois toujours commencer par les choses les plus importantes. Et même lorsque tu t'adresses à des musulmans, beaucoup de nos frères et sœurs, en raison d'une grande ferveur et de l'amour du bien, ils vont donner de l'importance à des choses qui, bien qu'elles font partie de la religion, ne font pas partie des priorités dans l'appel à Allah. Ils vont donc sans cesse réprimander les gens au sujet de choses qui ne sont pas fondamentales, au détriment des fondements de la religion qui sont bien souvent ignorés. Si des gens dans ton entourage commettent certaines formes de shirk, asrar, de polythéisme mineur, commence par leur interdire cela avant de leur interdire des choses qui sont de moindre gravité. Si des personnes dans ton entourage ont des manquements dans l'accomplissement de la prière, commence par leur ordonner l'accomplissement de la prière avant de leur interdire certains péchés qui font partie des péchés mineurs. Concentre-toi sur les bases et sur la priorité et avance étape par étape comme l'a ordonné notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Donc ceci était certains bénéfices que l'on tire de ce hadith immense qui est d'une grande importance et qui est un fondement en ce qui concerne la voix prophétique dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous verrons donc dans le cours suivant le deuxième hadith recueilli par l'auteur dans cet ouvrage et qui concerne le mérite du tawhid. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا